La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. Le propriétaire du restaurant Subway de Delbault-Mistassini, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbault-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Denis. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 418-679-3339. On va parler de hockey. Christian Ouellet des Marquis de Jonquière est maintenant rendu en France après avoir passé par l'Australie. Question de savoir un peu comment que ça va sa saison en France. On y parle. Salut Christian. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Est-ce que tu as appris? Est-ce que tu parles en la française maintenant? Parce que ça, me semble que vivre en France, ça doit être assez facile d'apprendre l'expression la française ou t'as encore un accent du lac Saint-Jean. Non, j'ai encore mon accent. C'est sûr et certain que je fais attention quand même, hein, parce que ouais. Même en faisant attention, là, des fois les gens ont de la misère à comprendre, mais non, c'est sûr et certain que faut s'appliquer, puis y aller tranquillement, puis avec les joueurs de l'équipe, ça va très bien. C'est juste que des fois les gens qui sont pas habitués de parler à des étrangers, je pense que c'est plus dur pour eux, mais sinon c'est drôle. Est-ce que tu es content de ton expérience jusqu'à maintenant en France? Est-ce que ça va selon ce que tu pensais? Oui, sérieusement, je suis content. C'est sûr qu'au début, j'ai eu de la misère quand même à l'adaptation. Je parle le côté du jeu. OK. J'avais pas les performances. Là. Je me cherchais, il n'y avait pas beaucoup de matchs, on s'entraînait fort, j'étais pas en meilleure forme physique non plus, puis plus ça va, je me sens mieux sur la glace, j'ai plus de confiance, j'ai plus de responsabilité, puis on a un bon groupe de gars, on a juste deux défaites là aussi, alors ça l'aide beaucoup. Puis non, jusqu'à maintenant, là, on a une équipe pour aller jusqu'au bout, puis je suis content là. OK. Dis-moi, l'équipe, vraiment, le calibre, comparé, ça ressemble-tu à la Ligue nord-américaine? Non, vraiment. Non, c'est-tu plus fort, moins fort? C'est c'est différent, en fait, parce que, tu sais, on s'entraîne quand même cinq fois semaine, on a des entraînements hors glace, tous les joueurs sont en très bonne forme physique. Tu sais, moi, c'est ça que je trouvais au début, j'étais pas en super forme, là, de plus en plus, je me sens mieux, j'ai plus de souffle, mes matchs je complète mieux mes matchs, mes trois périodes sont bonnes. Puis, tu sais, je pense que c'est juste des fois, c'est côté hockey, un peu côté sens du jeu qui manque un peu, là, tu sais. Les Marquis de la Ligue nord-américaine, il y a des gros joueurs de hockey qui ont passé là, il y a des joueurs qui ont de l'expérience. Puis, tu sais, la Division 1 en France, on s'entend que, tu sais, c'est pas la Ligue Magnus non plus, là, la Ligue Magnus qui est la meilleure ligue en France. Des fois, je pense qu'il y a une bonne différence avec les joueurs français, mais ça patine, c'est intense, c'est quand même, c'est physique quand même, des petites patinoires, des grandes patinoires, puis le jeu est quand même ouvert, mais c'est sûr certain que des fois, c'est le sens du jeu qui a une différence là. Si tu nous, ok, par rapport ici au Québec, c'est sûr que je connais, j'ai entendu parler des Magnus. De dire que je suis ça, c'est pas vrai, là. Je te conterai pas d'histoire, là. Sauf que, tu sais, t'as la Ligue Magnus, t'as la première division, t'as la deuxième division, puis toi, t'es dans la deuxième division, c'est ça? Non, moi, j'étais en division 1, en fait. OK, donc. Division 1, ouais, c'est ça, la division 1, c'est ça. Okay. Ouais. Donc, il y a un système de relocalisation en Europe. C'est pas comme. C'est un peu comme le soccer. La première équipe de la Division 1 passe en Ligue Magnus, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ça. Là. Il y a des équipes en Ligue Magnus, je pense qu'il y a deux équipes peut-être qui descendent, qui vont jouer la relégation. Nous, dans le fond, on est 16 équipes. Il y a 8 équipes qui font les playoffs. Il y a 8 équipes qui vont jouer pour pas être reléguées, pour rester en division 1. Puis après ça, je sais pas cette année s'il y a une ou deux équipes. Là, des fois, la Ligue Magnus, ils ont des problèmes. Il y a des équipes qui ont des problèmes financiers. Là, fait que là, je sais pas de ce côté-là, mais normalement, l'année dernière, les champions ont monté. Alors, nous, c'est ça qu'on vit. Ça fait 3 ans qu'on jette perdre en demi-finale ou en finale. Alors, là, on a une bonne équipe cette année, puis on espère monter en Ligue Magnus. OK, OK. Donc, le calibre, est-tu une coche Ligue Magnus? C'est-tu un peu comparable à Ligue américaine, Ligue nationale, ou c'est une équipe de deuxième division pourrait battre une équipe de première division? Je ne sais pas si tu comprends la question. Oui, oui, non, mais en fait, regarde, nous, on a fait la Coupe de France. On a joué Coupe de France contre Bordeaux. Bordeaux qui était, à ce moment-là, Bordeaux, je pense, était troisième en Ligue Magnus. Puis, on a quand même, après deux périodes, on menait 2-1, je crois, ou okay. Si je me trompe. Ouais, 2-1. Puis, on a eu des punitions, puis ça nous a rattrapés. On y a gagné 5-2. Mais comme l'équipe à Mathieu Tremblay de Cholet ont battu Angers, qui est une équipe de la Ligue Magnus. Après ça, il y a une autre équipe aussi, Dunkerque, battu Épinal. C'est des équipes avec des gros budgets en plus en Ligue Magnus. Je pense que, tu sais, quand que ça joue sur la glace, tout peut arriver. Mais les équipes de Division 1... non, il n'y a pas une grosse. Oui, il y a une différence. C'est sûr, certains qui ont plus d'argent, ils ont des meilleurs joueurs français, ils ont des joueurs, ils peuvent se payer des gros joueurs de l'extérieur. Mais la différence, comme je t'ai dit un peu, c'est sûr, certains que le sens du jeu, c'est une coche au-dessus. Là. Quand on parle de gros budget, ça représente quoi? Quand on dit gros budget pour une ligue comme la Ligue Magnus, c'est quoi? 100 000? Non, je pense qu'il y a des équipes parce que quand même la Ligue Magnus joue 44 matchs comparativement à nous qui en jouons 28. Puis tu sais, c'est des déplacements partout dans la France là. L'affaire un peu qui est plate avec la France, c'est que si tout le monde doit jouer un match, je pense en Magnus, c'est 2 matchs à la maison contre la même équipe, 2 matchs à l'extérieur contre toutes les équipes. Il n'y a pas vraiment de division. Alors les équipes voyagent, puis il y a des joueurs qui prennent beaucoup d'argent là. Il y a des joueurs qui doivent prendre je sais pas, peut-être un 50 000 euros, puis tu sais, il y en a peut-être 10 comme ça, des joueurs dans une équipe là, ou des équipes comme Grenoble, Rouen, c'est des équipes que tu sais, ils ont des joueurs qui ont joué NHL, puis ces équipes là, c'est Éric Chouinard, l'ancien joueur de NHL, a joué justement à Grenoble des 2 dernières années là, il est parti cette année, mais tu sais, il y a des équipes qui ont des gros joueurs, puis ils ont des bons budgets là. Vous autres, vous jouez ton équipe joue devant une salle de combien? Nous, environ, c'est 1100, 1200. Puis l'année passée, dans les playoffs, je pense qu'ils ont eu 1500. Là. On a toujours quand même... On n'a pas une grosse aréna, mais toujours pleine, bruyante. Puis les gens sont vraiment derrière l'équipe. Là. Comme je t'ai dit, les 3 dernières années, ils ont eu des équipes gagnantes qui ont perdu en finale ou en demi-finale. Alors, tu sais, le monde ici de la région connaissent l'Ormadie, puis je pense que le monde aime bien le hockey. Là. OK. Où est-ce que tu es? Donc, toi, tu étais par rapport à Paris, c'est quoi? Moi, je suis dans le sud-ouest de la France. Je suis sur le bord de l'eau. Je suis à 20 minutes de l'Espagne. Je suis à peu près à 6 heures de Paris. Là. On fait des bons déplacements quand même. Les plus longs voyages des matchs, c'est quoi? Oh, on doit faire comme à Dunkerque, qui est complètement dans le nord de la France. Ça va nous prendre probablement 11 heures, 12 heures. D'autobus? Sinon, tu sais, on fait beaucoup des 6 heures, des 7 heures, des 8 heures. Et d'autobus? Ouais, on fait l'autobus. On parle à l'avion, jamais? Pardon? L'avion, jamais? Non, l'avion, jamais. Il y a peut-être des équipes en Ligue Magnus qui la prennent de temps en temps. Okay. Sinon, non, en D1, on part, tu pars la veille, là, vers 22h, 23h la veille, puis après ça, on a des autobus avec des lits, puis okay. On fait notre nuit dans le bus, on pratique le matin, on passe la journée, puis... Toi, tu vis-tu juste de hockey là-bas ou tu travailles? Non, là-bas, moi, je vis. Tu ne vis que de hockey, c'est ça? Ouais. Okay. Ben, je vis juste que ça. Donc, il y a moyen quand même en Europe de faire une belle carrière. T'sais. Les spécificités, la Ligue nationale, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais tu peux quand même faire un salaire respectable en jouant dans ces ligues-là, la Suisse, la France, l'Allemagne, peu importe. Ah oui, ben oui, c'est sûr, certain. On parlait de ça justement. On était là, c'est sûr, pas un gros pourcentage de Québécois qui percent dans la Ligue nationale, mais au bout de la ligne, c'est quand tu grandis puis tu réalises qu'il y a plusieurs bonnes ligues de hockey ailleurs, puis que tu peux gagner ta vie, tu peux vivre des expériences quand même incroyables d'aller jouer ailleurs, de rencontrer d'autres gens, de vivre du hockey. C'est comme un peu la ligue. Okay. Mathieu Tremblay. Autres, c'est sûr, certain que c'est pas des millions, mais. Ouais. Mathieu Tremblay joue quand même dans la ligue. Y a-tu d'autres Québécois qui jouent dans la ligue ou aussi dans la même ligue que ça? C'est la même ligue que Richard Martel en passant. Richard Martel qui avait été. Non, Richard Martel, lui, avait été en Ligue Magnus quand il était à Grenoble. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup. Y a-tu des gars qu'on connaît? Il y a Dominique Jalbert qui a joué pour les Canadiens, il a joué un peu pour les Marquis, il jouait justement avec moi. Après ça, il y a Mathieu. Sinon, vite comme ça, il y en a d'autres. Il y a des joueurs qui ont joué Junior 3, ont des grosses saisons Junior 3, puis qui ont joué Division 2, puis là, sont rendus en Division 1. Mais sinon, nous, on est 4-5 Québécois. Mais là-dedans, il y en a quatre qui. Il y en a trois qui, ça fait 10 ans qu'ils sont en France. Alors, c'est sûr, certain que ça, c'est des gens qu'on connaît moins. Si tu permets, on va faire une pause. Je vais revenir dans quelques secondes, pause des fêtes. Et je veux te parler de la Ligue nord-américaine. Comment tu vois l'avenir de ton avenir? Donc, vous êtes à l'écoute d'entrevue avec Christian Ouellet sur les ondes de danradiosport.com. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolboum-Sisny, au numéro de téléphone 88-276-93-83. Section du club de golf de Chibougamau-Chaparral. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. On est de retour avec Christian Ouellet qu'on rejoint en France. Christian, la dernière fois que je t'ai parlé, tu étais en Australie. Comment ça a été en Australie? Ah, ça a été super. Ouais. Calibre là-bas, es-tu fort? Le calibre, non, c'est un jeu. Ben, c'était du bon hockey quand même, là. Okay. Je peux pas dire que c'était pas les gars. C'est sûr, certains que des joueurs, des équipes qui étaient pas moins fortes que d'autres. Il y en a qui étaient avec, comme j'avais dit, c'était à Dave Hensley. Il y a des joueurs canadiens que ça fait une dizaine d'années ou 5-6 ans qu'ils sont en Australie, puis on le passeport australien, alors ils comptent pas pour des Australiens. Puis t'en as juste le droit à 4 des joueurs. Importé, alors ça paraissait beaucoup, mais le calibre de jeu, là, plus la saison avançait, plus c'était surprenant quand même. Je suis certain que il y avait des équipes que ça faisait un petit peu pitié, mais il y a des équipes que c'était vraiment des bonnes équipes de hockey. Puis non, j'ai adoré ça, je me suis fait des nouveaux amis, j'ai vu du pays en masse, je me suis promené. Puis c'était vraiment une belle expérience de vie. Puis côté hockey, ben, je ne peux pas me plaindre. Là. J'avais beaucoup de glace, puis j'en ai profité au max. Là c'est quoi l'avenir pour Christian Ouellet? Est-ce que tu reviens au Québec? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est sûr que c'est quoi ton avenir dans le hockey? Là? Bon, c'est sûr, certain qu'au début, quand ça allait moins bien, je pensais peut-être à revenir avec les Marquis. J'étais loin en Caroline, c'était même pas un calibre pour moi ici, la France, style peut-être européen. J'avais une bonne saison l'année passée, puis là, ben là, à un moment donné, j'étais là, puis là, j'ai commencé à travailler, à m'entraîner plus fort un peu, puis à rester positif, puis regarde, là, ça va de mieux en mieux. Puis, tu sais, c'est sûr et certain que le but, c'est qu'on monte en Ligue Magnus, nous, l'année prochaine. Okay. Puis, on a un bon groupe de gars, on est vraiment, tu sais, ici, la vie, la patinoire, l'aréna est sur la plage. Okay, monsieur, complètement sur la plage. Alors, tu sais, moi, c'est à 5 minutes de chez nous, la plage. Puis, il fait gros soleil toujours. La vie est belle. Fait que moi, tu sais, je veux qu'on monte en Ligue Magnus. Puis, à la fin de la saison, je verrai. J'étais supposé partir en Australie puis revenir au Québec. Puis, gars, je vais être parti pour un an, alors je sais pas pour l'année prochaine, ça c'est sûr, je sais pas encore. Christian Ouellet, un gros merci, on va peut-être se reparler, très intéressant, j'aime ça faire des entrevues avec des joueurs qui sont en Europe, qui vivent une autre culture, qui vivent quelque chose d'autre, on va se reparler certainement peut-être à la fin de l'année ou quelque part durant l'été. Parfait. Christian Ouellet, l'ancien joueur des Marquis Jonquière qui joue maintenant en France.